Aïe, c'est loin d'ici. Je roule avec voiture d'étalé. Ici, pas besoin d'étaler, étaler. Posé dans ma jolie vallée, bouffée d'oxygène pour m'évader. Aïe, c'est loin d'ici. Je roule avec voiture d'étalé. Ici, pas besoin d'étaler, étaler. Posé dans ma jolie vallée, bouffée d'oxygène pour m'évader. Première fois que je suis loin de ma vie. Un peu de sativa et on vole. Viens, on les emmerde. On kiffe la vie ne tient qu'à un fil. La première fois que je pense pas à toi, je sais, ça paraît égoïste. Je suis déconnecté, moi ça m'angoisse, la prochaine fois je t'emmène avec moi. Je suis dans les collines, on prend l'air. Je me régale, je suis pas trop bavard. Zéro souci dans la tête et je s'en occupe et je réponds après. J'ai déconnecté tous mes réseaux, déconné quand j'étais accro, ça me rend bête. Et hey, si je me sens tout petit, qu'est-ce que c'est bon la liberté. Et puis souvent, je me retrouve tout seul et je me sens bien. Je pense à rien. Pas à toi, ni à elle. Bye, c'est loin d'ici. Je roule avec voiture d'étaler. Ici, pas besoin d'étaler, étaler. Posé dans ma jolie vallée, bouffée d'oxygène pour m'évader. Bye, c'est loin d'ici. Je roule avec voiture d'étaler. Ici, pas besoin d'étaler, étaler. Posé dans ma jolie vallée, bouffée d'oxygène pour m'évader. Bye, c'est loin d'ici. Je roule avec voiture d'étaler. Ici, pas besoin d'étaler, étaler. Posé dans ma jolie vallée, bouffée d'oxygène pour m'évader. Bye, c'est loin d'ici. Je roule avec voiture d'étalé, ici pas besoin d'étaler, étaler. Posé dans ma jolie vallée, bouffée d'oxygène pour m'évader.